Et je reçois maintenant en studio Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut des technologies de l'information et de société. Raymond Poirier, qui est également notre chroniqueur Nouvelles technologies. Bonjour. Bonjour. Donc, un retour en ondes dans ce début d'année. Oui, effectivement, et toujours dans la perspective d'explorer les nouvelles technologies, mais au-delà des gadgets, au-delà des iPhone, essayer de voir la réflexion qu'il y a derrière les avancements en matière de technologie, essayer de mettre l'accent sur d'autres perspectives, que ce soit en santé, en patrimoine, culture, business et le reste. Alors, on va pouvoir explorer ça, continuer d'explorer ça au fil de la session. Et Mireille, on commence d'emblée, je mentionnais le terme patrimoine. En fait, ça va être le thème de notre première conférence 2012 de la série Midi Innovation TI. On va essayer de voir un peu de quelle manière les nouvelles technologies viennent changer, profiter à la mise en valeur du patrimoine. Et on va porter dans cette conférence-là un regard sur les travaux de la chaire de recherche sur du Canada sur le patrimoine ethnologique. Et plutôt que moi vous en parler, ben je me suis dit, on va convier quelqu'un qui travaille sur ces différents dossiers, qui est professionnel de recherche à la chaire, qui est également responsable des nouvelles technologies au laboratoire d'enquête et d'entrevue multimédia. François Côté, bonjour. Bonjour. Et d'emblée, en fait, je mentionnais les nouvelles technologies, le patrimoine, c'est un alliage qui amène un changement, qui amène des nouvelles perspectives quand il est question notamment de mise en valeur. Oui, absolument. Ben, je te dirais que c'est quelque chose sur lequel les gens réfléchissent depuis très longtemps. Dans le domaine des musées, même depuis les années 80, les années 60, même, on pourrait dire, le patrimoine a tout le temps été un lieu où on tentait d'explorer de nouvelles façons de mettre en valeur les connaissances, notamment sur le passé et tout. Puis juste un petit exemple, dans les années 60, c'était l'arrivée de la vidéo où les gens, justement, en allant dans le musée, pouvaient prendre un premier contact avec la vidéo, ensuite, bon, les sons et lumières, tout ça. Et donc, ben, on continue dans cette mouvance-là. Oui, parce que nécessairement, on veut utiliser les outils qu'on a dans le quotidien. On veut les voir intégrer le plus possible dans les musées ou dans tout ce qui a trait au patrimoine. Oui, absolument. Puis d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette recherche-là, c'est au niveau de la captation. Nous, on est aussi beaucoup là-dedans. Puis ça remonte à très loin parce que quand on pense à toutes les recherches qui se sont faites en ethnologie à l'Université Laval, avec les Lacourcières, etc., bien, ces gens-là partaient dans les années 30, 40, 50 avec des équipements très lourds sur le terrain et tout, mais étaient quand même à la fine pointe de ce qui se faisait à l'époque. L'abbé Proulx, bon, au Québec, a fait des film ethnographique, a été le premier cinéaste à faire un long métrage au Québec. Donc, il y a une très, très longue tradition d'exploration dans ce domaine-là. On n'a pas tout le temps conscience, mais c'est très présent. Et justement, en fait, dans cette perspective-là, les gens, les auditeurs, auditrices ont peut-être entendu parler du projet d'inventaire du patrimoine immatériel qui est un peu avec l'encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, qui est un peu les fers de lance, là, les projets centraux associés à la chaire en patrimoine ethnologique. Oui, ben exactement. Nous, on a trois grands projets, dans le fond, à la chaire. On a deux projets d'inventaire et on a une encyclopédie. Les deux projets d'inventaire reprennent, dans le fond, le flambeau de tout ce qui s'est fait à l'Université Laval, justement, avec les Lacourcières et tout, avec les archives de folklore du Québec. Et donc, vont se promener. On a un inventaire qui est davantage sur les pratiques ethnographiques au sens large. Donc, que ça soit à la fois des gens qui... ça peut être très traditionnel, comme des gens qui font des raquettes, qui font des ceintures fléchées. Donc, on va les rencontrer, on regarde comment ils travaillent, on enregistre les pratiques pour que des gens puissent les reproduire dans le futur et tout. Mais il y a aussi des choses auxquelles on pense moins, mais qui sont aussi du patrimoine, comme on a fait des clips avec la Barberie dans le quartier Saint-Roch, parce que eux reprennent le flambeau justement de la fabrication de bière dans le quartier qui date des débuts de la colonie. Donc c'est assez vaste. Donc ça, c'est un inventaire. Donc rapidement, les deux autres, l'inventaire du patrimoine religieux, lui, visait justement à aller chercher toutes les connaissances qui sont dans les communautés religieuses au Québec, principalement les catholiques, mais aussi de toutes confessions confondues, parce que il y a beaucoup de gens là-dedans qui meurent. Et malheureusement, ces savoirs-là se perdent. Il n'y a personne qui prend le relais. Donc, pour faire simple, je dirais, on a beaucoup travaillé à conserver les bâtiments des communautés religieuses, mais souvent, on s'est très peu préoccupé de savoir qu'est-ce qui se passait là, puis de l'enregistrer. Donc, nous, on est là un peu pour ça, pour conserver au moins la mémoire dans ces cas-là. Et on parlait de mise en valeur tout à l'heure. J'imagine qu'il ne s'agit pas seulement de collecter, il s'agit aussi de transmettre. Et c'est là que rentre le défi quand on parlait un peu de technologie, notamment, mais de quelle manière manière on peut réussir à bien mettre en valeur ce savoir-là et à le rendre intéressant, palpable pour tout un chacun. Mm-hmm. Ouais, ben exactement. C'est là où arrive le troisième projet, en fait, parce que l'encyclopédie, elle, est plus un projet pour mettre en valeur, pour diffuser. Puis ça marche assez bien parce qu'en fait, on est rendu à quelque chose comme 200 000 visiteurs uniques par année, puis c'est vraiment en forte progression. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont là et c'est un lieu où on expérimente beaucoup de choses. Donc, il y a des médiums plus classiques, donc il y a du texte, des photos, du vidéo et tout, mais on essaie justement d'y aller avec des médiums plus interactifs comme des photos panoramiques, des vidéos panoramiques qu'on tourne avec des caméras comme Google utilise pour faire Street View. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, mon Dieu? Ben, ce sont des photos interactives, du jeu sérieux, on est dans les applications iPhone. Donc, on va très large, justement pour toucher à différents types de publics, pour intéresser un peu tout le monde à ces questions-là. Et donc, les sujets qu'on peut retrouver dans cette encyclopédie-là, comme vous dites, ça va porter autant sur vraiment des éléments du patrimoine donc de Québec également, donc des choses qu'on peut voir dans le quotidien. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Vous parlez de la Barberie tout à l'heure. Oui, si on prend le cas de l'encyclopédie, en fait, c'est du patrimoine culturel des francophones de toute l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc, dans le fond, c'est tout témoignage, disons, de tradition, d'histoire toujours vivante sur tout le continent pour les francophones. Donc, différents exemples, je te dirais. Ça peut être autant une petite église où une communauté francophone est toujours très proche du côté de l'Ouest canadien, par exemple. Ça peut être un article sur la toponymie. Ça peut être un article sur des festivals un peu partout. Donc, vraiment d'une manière à ce que les gens puissent avoir une espèce de vision globale de jusqu'où était la culture francophone sur le continent, puis comment elle continue d'être vivante. Donc, c'est un peu tous ces éléments-là qui nous intéressent. Et ce sont les chercheurs du groupe de la chaire, en fait, qui travaillent là-dessus, ou vous avez des gens qui sont bénévoles ou des gens qui sont tout simplement motivés, qui vous donnent un coup de main pour construire ça? Bien, c'est des gros projets, puis on a la chance, justement, de on travaille avec des bénévoles, oui, parfois, mais règle générale, on a des bons financements qui nous permettent de faire un produit de qualité et tout. Et donc, nous, on est 25 professionnels à la chaire, chercheurs et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là, des techniciens et tout. Et en parallèle de ça, dans le cas de la rédaction des articles, souvent, on va faire affaire avec différents spécialistes de ces questions-là. Donc, les articles sont vraiment rédigés par une panoplie de spécialistes. Donc, il y a 250 articles présentement, 6000 photos, vidéos. Puis tout ça se fait justement en collaboration avec des gens d'un peu partout. Donc vraiment de la littérature scientifique en quelque sorte, ou du moins faite par des experts, c'est ce que je veux dire. Faite par des experts, mais vraiment grand public. C'était le défi vulgariser. Là-dedans. C'est vraiment vulgarisé, c'est vraiment axé pour que tout le monde puisse en tirer profit. Et François Côté, tout à l'heure, j'ai entendu l'expression application iPhone. Ça, c'est nouveau aussi, c'est une première lancée pour la chaire d'essayer de partir du web et de développer quelque chose pour les téléphones et les appareils mobiles. Oui, exactement. C'est un peu un incontournable. Il fallait, disons, se mettre les orteils dans l'eau puis commencer à comprendre, à trouver nos repères là-dedans. Et puis, c'est assez intéressant. Là, on en est présentement à notre deuxième application sur laquelle on travaille. Donc, on en a développé une sur le quartier Saint-Roch, qui finalement a pris plus d'ampleur puis va être aussi sur le Vieux-Québec. Ça devrait être lancé en février ou en mars. Et puis, la ville de Saint-Jean-Port-Joli, le musée de la mémoire vieille, en fait. Eux ont décidé d'embarquer aussi. Et puis, ça donne l'occasion de créer des espèces de petits guides de visite, mais nous, on arrive à quelque chose qu'on n'a pas tellement vu. C'est des guides qui nous permettent, dans le fond, d'observer des photos d'archives. Donc, tu te promènes sur le terrain et puis, tu es capable de regarder de quoi ça avait de l'air à l'époque, voir plein de photos. Donc, c'est super intéressant parce que c'est pas facile en quelques secondes, en quelques minutes, d'avoir une idée de l'histoire d'un lieu. Puis, tandis qu'avec quelques photos, très rapidement, on peut avoir nos repères. Donc, on travaille là-dessus, mais on injecte aussi là-dedans des vidéos, des textes et tout. Et quand on développe des projets comme ça, comme les applications iPhone, comme l'encyclopédie, comme l'inventaire, qu'est-ce qu'il faut garder en tête quand on parle mise en valeur? Qu'est-ce qu'on essaie? C'est quoi un peu les principes directeurs, là? Je dirais, c'est assez simple, c'est la simplicité. Donc, au fil des années, parce que je suis dans ce domaine-là depuis quand même une bonne dizaine d'années, on est passé de projets très complexes à projets de plus en plus simples. Donc, au départ, j'étais plus dans les environnements de projection. projection immersive dans la robotique, des caméras panoramiques attachées sur des robots qu'on contrôle dans des environnements immersifs. Donc c'était très rigolo comme projet de chercheur, mais pour le commun des mortels, bon, c'était plus difficile. Alors maintenant, c'est vraiment d'y aller vers des choses simples que tout le monde peut utiliser, que ma mère, mon grand-père pourrait manipuler, que ça soit en ligne ou sur dans la rue avec son iPhone. Oui, parce qu'effectivement, si ça rebute, les gens n'auront pas le réflexe de l'intégrer, n'auront pas le réflexe de l'utiliser, pourront pas profiter de ce qui est disponible, du savoir qui est disponible à travers ces médiums-là. Oui, ben exactement. C'est qu'il y a des choses qui sont des trips de geek, c'est le fun à faire, mais ensuite de ça, bon, faut penser vraiment au public. Puis nous, le but, c'est ça, c'est d'être le plus simple possible, puis d'avoir des équipements simples et tout. Donc, c'est vraiment notre façon de voir les choses. Alors, ben, en fait, c'est un peu les éléments qu'on va présenter lors de cette conférence le 1er février prochain, donc mercredi prochain. C'est une conférence payante, dîner inclus. Toutes les informations sont disponibles aussi sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Et sur le site, il y a aussi tous les liens vers le travail qui est réalisé par la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. Mais François, on peut quand même mentionner le site aussi de votre côté. Si on cherche IREPI, notamment, on va tomber sur vos travaux. Oui, ou AmériqueFrançaise.org, AmériqueFrançaise, tout dans un mot.org. Donc, on tombe sur l'encyclopédie. Voilà. François Côté, merci. Donc, je rappelle que vous étiez responsable des nouvelles technologies au laboratoire d'enquête et d'entrevue multimédia. Et Raymond Poirier, merci de nous avoir fait réaliser cette chronique aujourd'hui. Ça me fait plaisir.